إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نواصل بحول الله جل وعلا وبإذنه دراستنا في مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمة الله عليه تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد وأن يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء ألا وهو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. Donc on s'était arrêté la fois dernière sur la parole toujours concernant le destin. Lorsque l'auteur dit « la disposition des choses est entre ses mains et leur survenance tient de sa décision. Il a su toute chose avant son existence, laquelle se produit selon cette connaissance. Aucune parole ni aucune action n'émane de ses créatures sans qu'il ne l'ait décidé et que sa connaissance ne l'ait précédé. Ne sait-il pas en effet ce qu'il a créé alors qu'il est, subhanahu wa ta'ala, Latiful Khabir. Alors il dit, il égare qui il veut et il abandonne ainsi, par son équité, dirige qui il veut et l'inspire ainsi vers la réussite, par sa faveur et son bienfait. Chacun est donc porté, ici, par son applaudissement, vers ce qui a été prédéterminé en sa science et sa prédestination, soit la félicité, soit la damnation, ou la damnation. Donc, pour cela, on est toujours dans l'étude de la question du qadr. Et donc, l'auteur, après qu'il ait dit فَكُلٌ مُيَسَّرٌ بِتَيْسِيرِ إِلَى مَا سَبَقْ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِهِ مِنْ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. Il dit تَعَالَ أَنْ يَكُونَ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدٍ. Et on s'est arrêté la fois dernière lorsque on parlait des négateurs du qadr. Donc on a dit que c'est une question qu'il fallait comprendre. Pourquoi ? Parce que la croyance en la prédestination au décret d'Allah, Jalla wa Ala, fait partie de la croyance en l'iman, fait partie de l'iman, c'est-à-dire de la foi, fait partie des piliers de la foi. Et on avait dit que des doctrines hérétiques sont apparus lorsqu'ils ont commencé à polémiquer et philosopher, spéculer autour de cette question du qadr. Et donc ça a donné naissance à deux grandes fractions ou deux grandes sectes, si vous voulez, pour synthétiser, ce qu'on appelle al-nufat al-qadr et ce qu'on appelle al-roulat al-qadr. Donc on a les extrémistes et on a les négateurs. On a les négateurs du qadr, et c'est ceux qu'on avait mentionnés dans le cours dernier et dans d'autres cours aussi, c'est ceux qui sont nommés et appelés Al-Qadariya. Al-Qadariya, pourquoi ils ont été nommés Al-Qadariya ? Pour leur négation du destin. Du fait qu'ils ont nié le destin, ils ont été surnommés Al-Qadariya. Et eux, on avait dit, comme l'avait mentionné Cheikh Al-Fawzan dans son commentaire, il dit وَهَذَا خِلَافُ قَوْلُ الْقَدَرِيَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِيدَ الْكُفْرِ وَلَمْ يُرِيدَ الشَّرِ. Lorsque Cheikh Al-Fawzan, dans le commentaire, on avait mentionné la parole de l'auteur, ce que dit Ibn Abi Zayd dans la Muqaddimah, et Cheikh nous a expliqué que ce qu'il dit, c'est en contradiction avec justement la parole des négateurs du destin, Al-Qadariya. Pourquoi ? Parce qu'Ibn Abi Zayd, à travers ses paroles, il réfute justement la pensée et la doctrine des Qadarites. Al-Qadarites, si on peut les nommer de la sorte. Et donc on les nomme Al-Qadariya du fait qu'ils ont nié. C'est pour leur négation. C'est pour cela qu'ils sont nommés de la sorte. Donc vous avez deux fractions égarées, qui sont deux extrêmes. Qui sont deux extrêmes concernant la question du Qadr. Vous avez premièrement An-Nufat, comme on a dit, les négateurs. Nufat Al-Qadr. Et les négateurs, on avait dit ensuite, il faut faire la distinction entre deux tendances parmi eux. Donc, d'une manière générale, on a dit la fois dernière, les négateurs de la prédestination des œuvres, eux, ils affirment que le serviteur possède une volonté, comme on avait dit. Ils affirment que le serviteur possède une volonté, sauf que cette volonté et cette capacité qu'ils affirment, pour eux, elle est indépendante. On avait bien expliqué ça. Pour eux, elle est indépendante de la volonté du pouvoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour eux, c'est le serviteur qui crée ses œuvres. Et de ce fait, ils sont nommés les négateurs. Ils nient de ce fait le destin. Le destin. Et c'est pour cela qu'on avait dit que la fois dernière que nombre de compagnons se sont désavoués et innocentés d'eux, de Al-Qadariya, du fait de leur négation du destin, donc du fait de leur non-croyance en ce pilier, parmi les piliers de Al-Iman. Pilier de l'Iman. Et on avait dit qu'ils avaient une ressemblance avec Al-Majus. Al-Majus, les païens. Al-Mazdéen, si vous voulez. On avait dit que Al-Qadariya, les négateurs du destin, sont les païens de cette communauté. Les Mazdéens, si vous voulez, de cette communauté. Et ils leur ressemblent du fait que pour eux, Allah a créé le bien et les hommes, eux, sont auteurs donc du mal et donc ils ont créé le mal. C'est comme s'ils disaient qu'ils adorent ou c'est comme s'ils attribuent la création à deux créateurs. Il y aurait un créateur du bien, il y aurait celui du mal. Et de ce fait, on avait dit que Al-Majus, eux aussi, adoraient deux divinités. Adoraient deux divinités. La divinité de la lumière et de l'obscurité. C'est que pour eux, le khair, le bien, provenait de la lumière, et tout mal provient de l'obscurité, al-dhulma. Et de ce fait, c'est célèbre que les Mazdéens adoraient deux divinités. Par rapport à cette considération, Al-Qadariya ont été ressemblés, et ont été comparés plutôt, assimilés à Al-Majus. Voilà, ça c'est ce qu'on avait dit Al-Qadariya. Maintenant, il faut faire une distinction entre ensuite deux tendances chez les négateurs du destin. Deux tendances chez eux-mêmes, hein, chez les négateurs du destin. Ceux qui nient l'ilm, martabat l'ilm. Et comme on avait dit la fois dernière, on avait dit, les imams disaient, lorsqu'une personne discute avec un négateur du destin, alors qu'il mette face à lui l'argument de l'ilm. Du fait qu'Allah Jalla wa Ala a cette science infinie. Et s'il réfute cela, faqad kafar. Faqad kafar. Et justement, pourquoi? Parce que chez le Qadariya, chez les négateurs du destin, il y a cette première tendance qui est considérée comme les extrémistes. Les extrémistes, al-roulat de al-Qadariya, qui affirment qu'Allah n'a pas connaissance des actes de ses créatures à venir. Eux, ils nient la science infinie d'Allah Jalla wa Ala. Et eux affirment que Allah n'a pas connaissance des actes de ses créatures à venir. Et sa volonté ou son pouvoir n'y peuvent rien. Et il n'est pas le créateur de leurs œuvres. Et les savants, certains disent que cette secte a quasiment disparu. Parce que hada kufr, hada ça c'est du kufr, de la mécréance et de l'incrédulité apparente et claire. Du fait qu'il nie la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, en affirmant qu'Allah n'a pas connaissance des actes de ses créatures à venir. Et sa volonté ou ce pouvoir n'y peuvent rien. Hada kufrun billah jalla wa ala. Ça c'est de la mécréance et de l'incrédulité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains disent que celle-ci, cette pensée-là, a quasiment disparu de nos jours. Et donc la seconde tendance, hein, chez les négateurs du destin, c'est ceux qui croient qu'Allah sait. Eux, par contre, ils affirment martabat al-ilm, le degré de la science. Et ils affirment ici la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc Allah sait par avance les actes que vont accomplir ses serviteurs. Donc eux, ils savent que Allah Jalla wa Ala, avant même que les serviteurs agissent et œuvrent, Allah sait ce qu'ils vont faire. Donc Allah Jalla wa Ala sait tout ce qui va se produire dans cet univers. C'est pour cela qu'on avait dit que tout a été consigné dans la table bien préservée et bien gardée. Donc Allah Jalla wa Ala a connaissance de tout, sa science elle est infinie. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça lorsqu'on dit Al-Alim. Al-Alim, traduction relative à l'omniscient, c'est celui qui a la connaissance infinie. Tout ce qui s'est produit, tout ce qui se produira, Allah Jalla wa Ala en a la connaissance. Il a toujours su. Sa connaissance, on avait dit, n'a jamais été précédée par l'ignorance. Subhanahu wa ta'ala. Donc eux, cette deuxième tendance chez les négateurs du destin, eux, ils affirment le degré de la science, c'est-à-dire ils savent ou ils reconnaissent qu'Allah sait par avance les actes que vont accomplir ses serviteurs, mais eux, ce qu'ils nient et refusent, c'est l'idée qu'ils dépendent de sa volonté. C'est l'idée que ces actes-là et les œuvres des serviteurs dépendent de la volonté d'Allah, de son pouvoir et de sa création. De ce fait, on a une faïda. De ce fait, lorsqu'ils disent cela et ils nient cela, ça induit trois choses. Ça implique trois choses. C'est pour cela que les savants de la Sunna ont réfuté les négateurs du destin. Et ceux qui disent que, par exemple, les serviteurs œuvrent et ont une volonté, une capacité qui est indépendante de la volonté du Seigneur et du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors leur pensée implique trois choses graves. Leur pensée a été réfutée et on va dire leur pensée, donc cette pensée-là a été réfutée et désapprouvée parce qu'elle implique trois choses. Premièrement, awwaluha annahum qad athbatu khaliqain wa shabahu al-majus bidhalik. Premièrement, annahum athbatu khaliqain. C'est comme si donc ils ont affirmé deux créateurs et cru en deux créateurs. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Allah Jalla wa Ala a tout créé. Il a créé les hommes. Et l'homme, lorsqu'il veut faire quelque chose, c'est-à-dire l'être humain, lorsqu'il veut faire quelque chose, il a besoin de deux choses. Il a besoin de ce qu'on appelle al-qudra et il a besoin de al-irada. Al-qudra wa al-irada. Il a besoin de la capacité et de la volonté. Donc regardez bien. Et avec cet exemple-là, vous allez mieux comprendre l'hérésie et l'égarement des négateurs du destin, al-qadariya. L'homme, donc, il veut faire quelque chose, une action, il veut œuvrer, faire un acte. Donc lui, il a besoin de al-qudra, on a dit, qui est la capacité, il a besoin de al-irada, qui est la volonté. Par exemple, il veut prendre un verre d'eau. Il y a un verre d'eau, il veut le saisir et le prendre. Donc le fait de saisir le verre d'eau et le prendre, on appelle ça un acte. C'est faire quelque chose. Pour prendre ce verre d'eau, il a besoin de al-qudra, de la capacité, de pouvoir le faire, et il a besoin de la volonté de vouloir le faire aussi. Parce que si il a la capacité de le faire, il peut le prendre ce verre d'eau, mais il ne veut pas le prendre, il n'a pas la volonté, donc il ne prendra pas le verre d'eau. Par contre, s'il a la volonté, il veut prendre le verre d'eau, mais n'en a pas la capacité, pour diverses causes, il n'en a pas, elle coûtera la capacité, est-ce qu'il peut prendre le verre d'eau? Non, il ne peut pas prendre le verre d'eau. Taïb. Donc, l'homme, c'est-à-dire l'être humain, la personne, lorsqu'il veut agir, faire quelque chose, un acte, il a besoin de al-qudra ou al-irada, la capacité de pouvoir agir et la volonté. Taïb, qu'est-ce qui a créé en lui la capacité et la volonté? Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a créé la capacité et la volonté. D'accord ? Donc Allah Jalla wa Ala a créé la capacité de l'homme et il a créé la volonté de l'homme. Wadih al-kalam ? Vous comprenez ? Donc ce qui va en résulter, ce qui va résulter de cette capacité et de cette volonté est créé et fait partie donc de la création d'Allah ou non ? Ça fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allah dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé et ce que vous faites. Parce que tout ce qui résulte de vos actions, eh bien, cela fait partie de la création. Subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour cela que quand Al-Qadariya, les négateurs du destin, eux ont voulu nier cela. Le fait que Allah Jalla wa Ala aurait créé les actes des hommes. Alors de ce fait, c'est comme si, premièrement, le premier mal, c'est comme si que, donc, ils confirment deux créateurs. Ils affirment qu'il y a deux créateurs. Un créateur du bien, et pour eux, les êtres humains, parfois, ont des actions bonnes et ont des actions mauvaises. C'est pour ça qu'ils nient le fait qu'Allah ait créé les actions des hommes. Du fait que parfois les hommes ont des actions mauvaises. Donc, première considération ici, première chose d'affirmer deux créateurs, c'est quelque chose de gravissime. Deuxième chose grave, fin annahum qad nasabu lillahi al-ajz. Et c'est comme s'ils attribuent à Allah, deuxième chose, à Allah jalla wa ala, l'incapacité. Hinama yakun fi kawnihi shay'un lam yuqaddirhu. Le fait que eux, lorsqu'ils nient le destin, c'est comme si qu'ils confirment et affirment qu'il se passe des choses dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa création, des choses qu'Allah jalla wa ala n'a pas décrétées et prédestinées. C'est grave. La négation du destin, chez eux, sous-entend donc qu'il y aurait des choses dans cet univers et même qu'Allah jalla wa ala n'aurait pas prédestinées et décrétées. Et troisièmement, أن ذلك يستلزم أن الله كان مغلوبا على أمره وأن الكفار غلبوه وهذا قول باطل. قول باطل. Et troisièmement, le fait de penser, puisque c'est la croyance hein, de l'Qadariya, que Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu certaines choses qui se sont produites sur terre. Alors ça voudrait dire que ceux qui ont fait ce qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu, en quelque sorte, ils ont eu une sorte de domination. Ils ont eu une sorte de domination de pouvoir faire sur terre, dans l'univers d'Allah, ce qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu. Vous avez vu les implications de leur croyance ? Donc vous comprenez pourquoi les savants de la Sunna ont réfuté les négateurs du destin. Pourquoi ? Parce que leur croyance implique et induise des choses qui sont gravissime pour la croyance du musulman et de la musulmane, pour la croyance des croyants en manière générale. Donc ça, c'est en ce qui concerne Al-Qadariya. C'est pour cela que la fois dernière, on s'est arrêté sur une histoire que Cheikh Abdel Marcel Abed avait mentionné dans son livre, l'histoire du Bédouin. Vous avez vu, hein, on s'est arrêté sur celle-là, lorsque un Bédouin est venu voir Amr ibn Ubayd, on avait dit l'une des têtes de Mu'tazila, et lui avait dit de faire dua. Pourquoi ? Parce que son ânesse avait été volée. Son ânesse avait été volée, et lorsqu'il fit la dua, il dit au Seigneur, son ânesse lui a été volée, et tu ne voulais pas cela. Et c'est là que le Bédouin, du fait que, regardez, il était sur Al-Fitra, la nature innée, il a dit, toi, épargne-moi de cette invocation odieuse, de cette mauvaise invocation. Il lui dit, alors, elle a été volée, et si Allah ne le voulait pas, alors il se peut qu'il veuille Allah Jalla wa Ala me la rendre, et que elle ne me soit pas rendue. Alors que si Allah Jalla wa Ala voulait qu'elle lui soit rendue, eh ben, elle sera rendue. Donc vous avez vu, on ne peut pas nier la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une chose qui se passe dans son univers sans qu'Allah Jalla wa Ala l'ait voulu. C'est pour ça qu'aussi Cheikh Abdel Marcel Abed rapporte une autre histoire aussi, dit de son Cheikh Mohammed Aman al-Shankriti, qui rapporte aussi, il dit qu'il y a eu un débat Donc on a la version arabe et française. Il y a eu un débat entre un homme qui s'appelait Abu Ishaq al-Isfara'ini, al-Ishaq al-Isfara'ini, avec Abd al-Jabbar al-Mu'tazili. Avec Abd al-Jabbar al-Mu'tazili. Donc Abu Ishaq a débattu, ou il a discuté, avec un homme parmi les Mu'tazilites, qui s'appelait Abd al-Jabbar. Abd al-Jabbar. Et Abd al-Jabbar, à un moment, il dit Subhana, man tanazzaha anil fahsha. Abd al-Jabbar, dans sa discussion, il dit pureté à celui qui est exempt et dénué de toute turpitude. Donc là, il sous-entend Allah subhanahu wa ta'ala, pureté à celui qui est exempt de toute turpitude. Alors, Abu Ishaq, il lui dit كلمه حق اريد بها باطل كلمه حق اريد بها باطل, c'est une vraie parole mais qui sous-entend le faux. C'est une vraie parole, mais parfois on dit une vraie parole mais on cherche et on recherche ce qu'on veut, c'est le faux, c'est défendre le faux. Alors pourquoi? Parce que Abd al-Jabbar قصده ان المعاصي كالسرقه والزنا بمشيئه العبد دون مشيئه الله وان الله جل وعلا أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال له أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال. Donc lorsqu'il lui a dit Abu Ishaq, c'est une parole véridique, mais derrière on recherche un sens faux. Alors il lui dit plutôt سبحانه من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. Il dit plutôt gloire à celui dont rien ne se produit dans son univers sans qu'il le sache. Sans qu'il le sache. Alors, ensuite, Abd al-Jabbar reprit. Penses-tu que Allah pourrait créer le mal et ensuite me punir pour l'avoir commis? Alors, Abu Ishaq lui dit, penses-tu que tu le ferais, Jabran alay, yani, penses-tu que tu le ferais en contraignant le Seigneur? Et de là, ensuite, le Mu'tazilite lui dit, si Allah m'appelle à la droiture, mais décrète que je sois égaré, aurait-il été bon ou mauvais envers moi? Et là, Abu Ishaq lui répond, si ce dont il te prive est un royaume t'appartenant, alors il était mauvais envers toi. En revanche, si son royaume, si c'est ce royaume, ça lui appartient, c'est son royaume, et il te prive, alors c'est par justice, mais s'il te donne, c'est par bienfaisance, et c'est par son bienfait. Et là, Abd al-Jabbar resta sans voix, et les gens présents s'exclamèrent par Allah, rien ne peut contrer sa réponse. Là, je ne sais pas si vous avez compris la subtilité de ce que lui a dit Abu Ishaq. Lorsqu'il lui dit, tu as dit une parole vraie, cachant un but faux. Pureté plutôt à Allah, rien ne se passe dans son royaume sans qu'il le veuille. C'est-à-dire que ce Mu'tazilite réfutait la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réfutait la volonté d'Allah jalla wa ala. Donc ensuite, ce Mu'tazilite dit, penses-tu qu'Allah peut créer le mal et ensuite me punir pour l'avoir commis? Alors, Abu Ishaq lui dit, penses-tu que tu le ferais sous la contrainte, dans le sens, penses-tu que toi tu vas contraindre le Seigneur en disant, est-ce toi le Seigneur et lui le serviteur? De sens, penses-tu que toi tu veuilles faire une chose alors que lui ne le veut pas, mais quand même tu puisses le faire? Vous comprenez? Imaginez-vous une personne, un être parmi les créatures, désire de faire une chose, il veut faire une chose, mais le Seigneur ne le veut pas. Allah Jalla wa'ala ne le permet pas. Cette chose va se produire? La abadan. La abadan. Selon la considération de ce Mu'tazilite, il le fait, mais Allah Jalla wa'ala ne le veut pas. Alors, c'est là qu'il lui dit, alors tu fais des choses comme si tu contraindrais le Seigneur. Tu mettrais le Seigneur dans la contrainte d'accepter. C'est-à-dire que si toi tu veux, tu fais indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très grave. Alors c'est pour cela que ensuite, ce Mu'tazilite continue dans ce débat en disant, mais comment Allah Jalla wa ala alors pourrait me punir, regardez, pour une chose qu'il a créée. Comment une chose qu'il aurait créée, il pourrait me punir pour cela. Alors regardez ce qu'il lui dit. Penses-tu que tu le ferais sous la contrainte, Taïb? Et dit, si Allah m'appelle à la droiture, mais décrète que je sois égaré, aurait-il été bon envers moi? Et là, Abu Ishaq lui dit, si ça fait partie de son royaume, alors s'il te donne de ce qu'il possède, c'est une gratitude, c'est fait partie de son bienfait. Par contre, s'il te prive, ça fait partie de sa justice et de son équité. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris la pensée des Mu'tazilites? Ils se sont égarés lorsqu'ils ont pensé que dans ce royaume, il peut se produire des choses qu'Allah ne désire pas et ne veut pas. Qu'Allah désire pas et ne veut pas. Taïb. Pour cela, c'est ça que lorsqu'on dit dans les degrés du Qadr qu'on avait mentionné, la croyance en le Mashi'a, la volonté. C'est-à-dire notre croyance, c'est que, et la croyance des musulmans, c'est que rien ne se passe dans cet univers sans qu'Allah le veuille. Mais il faut considérer deux sortes de volonté. Deux sortes de volonté. Il y a la volonté qu'on appelle al-mashi'at ou iradat al-kawniyya, la volonté universelle, ou al-iradat al-shar'iyya, la volonté religieuse. La volonté religieuse. C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans le monde, Allah subhanahu wa ta'ala a permis ces choses, une volonté universelle. Une volonté universelle. Ça peut être des choses qu'Allah aime ou qu'Allah n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qu'Allah a permises et voulues qui se passent dans cet univers. Ça peut être des choses qu'Allah jalla wa ala agrée ou bien des choses qu'Allah jalla wa ala n'agrée pas. Taïb. Il se passe une guerre entre deux pays. Il y a un conflit entre deux états dans cet univers et dans ce monde. Donc il se produit un conflit. Ça peut se produire indépendamment de la volonté du Seigneur. Abadan. Si Allah ne veut pas et ne permet pas cela, ça ne se produira pas. Vous comprenez? Eux, les négateurs du destin, ont nié du fait que ça c'est un mal. Et Allah ne peut pas vouloir ou décréter, prédestiner cela. C'est faux. Sauf que, il y a des choses qui se produisent, qu'Allah a voulu, mais pas forcément qu'Allah aime. Mais il y a une grande sagesse dans cela. C'est une épreuve pour les gens. Et c'est pour cela que il y a le bien et il y a le mal. Et Allah, par contre, de sa volonté shara'iyya, religieuse, nous interdit de sombrer et de pratiquer ce mal. C'est pour cela que, par exemple, l'appel à la religion, à se conformer à nos devoirs qu'on doit au Seigneur, ça fait partie de la volonté religieuse. Et cette volonté qu'on appelle l'iradat shara'iyya, c'est dans ce qu'Allah aime et agrée. Donc, il y a par exemple le mal sur terre. Allah Jalla wa Ala nous a défendu. Nous a défendu de commettre le mal. Donc, comme on avait dit dans les cours précédents, il y a le chemin du mal et le chemin du bien. Allah Jalla wa Ala t'a donné la capacité de pouvoir choisir entre ce bien ou ce mal et tu seras jugé sur ton choix, sur ce que tu as fait. Par contre, tu ne saurais vouloir sans qu'Allah Jalla wa Ala le veuille. Tout ce qui se passe dans cet univers, on ne peut pas dire que ces choses se passent indépendamment de la volonté du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est le maître de l'univers. Penseriez-vous, par exemple, dans un palais. Il y a un palais, il y a quelqu'un qui possède ce palais. Il y a le maître de ce palais, par exemple, un roi. Un roi qui possède le palais. Et dans son palais, il se passe des choses qu'il n'est pas au courant. Il ne sait pas. N'a pas voulu. Les gens, dans son royaume, dans son palais, font des choses qu'il n'a pas voulu. Est-ce que ça dénote la perfection de ce roi ou l'imperfection? Hein, Mohamed? L'imperfection ou la perfection? L'imperfection. Si quelqu'un, par exemple, le maître de foyer, le chef de foyer chez lui, il se passe des choses qu'il veut pas. Des choses qu'il veut pas. Des choses qu'il ne sait pas. Ça dénote la perfection ou l'imperfection? C'est l'imperfection. Il se passe dans son foyer des choses que lui ne désire pas. C'est l'imperfection. Vous comprenez? Moi, j'essaie de faciliter pour pas qu'on sorte avec quelque chose de confus ou d'ambigu. Pourquoi? Parce que la croyance des gens de la sunna est claire. C'est la croyance des musulmans. Sauf qu'il a fallu réfuter lorsque sont apparues, des doctrines qu'on commence à spéculer dans des questions de très importantes. Vous avez compris la question en la prédestination? Et c'est pour cela qu'on dit kul shay maktoub, yani dans le sens, tout a été décrété. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui se passe dans le royaume d'Allah sans qu'Allah l'ait su. Tout simplement. Allah t'a donné la capacité de choisir, mais Allah sait déjà ce que tu vas choisir. Donc tout, kul shay maktoub. Toute chose a été écrite. Et rien ne serait se passer dans son royaume sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala le veuille. Pourquoi? Parce qu'Allah, il n'est pas comme celui qui a un palais et qui se passe des choses dans son palais alors qu'il n'en a pas la connaissance, des choses qu'il ne désirait pas et qu'il ne voulait pas. Ça, c'est de l'imperfection. Tandis que la perfection, c'est que rien se passe dans le royaume du souverain sans qu'il le veuille, le permette. Sauf qu'il faut faire une distinction entre la volonté universelle. Allah, parfois, a voulu, a permis des choses qu'il agrée ou qu'il n'agrée pas. Mais elles se produisent. C'est inéluctable. Lorsqu'Allah a voulu une chose de sa volonté universelle, elle se produit. C'est inéluctable. Et par contre aussi, on a l'iradat al-shara'iyya, la volonté religieuse. Elle peut se produire comme elle se produit pas. Allah Jalla wa'ala nous a fait montrer le bon chemin. Il nous a ordonné de faire la prière. Allah aime et agrée la prière. Naam. Ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont répondre favorablement et faire la prière, et il y a d'autres qui ne vont pas vouloir faire la prière. Allah Jalla wa'ala nous a ordonné de tenir le lien de parenté. C'est le bien. Il y a des gens qui vont le faire, et il y a des gens qui vont renier le lien de parenté. Allah nous a ordonné la bienfaisance envers les parents. Il y a des gens qui vont être bons, et il y a des gens qui vont être ingrats envers le parent. Wa'akada. Donc ça, c'est la volonté religieuse. Allah veut cela pour ses serviteurs. Allah veut que son serviteur pratique at-tawhid. Soit bon envers ses parents. Soit bon envers son voisin. Soit bon et tient le lien de parenté. Il veut qu'il observe les prières quotidienne. Il jeûne le mois du Ramadan. Il fasse le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Au moins une fois dans sa vie. Donc Allah Jalla wa'ala veut cela. Il veut que les gens aient un bon comportement, un bon relationnel les uns envers les autres. Il veut que les gens ne soient pas injustes envers les autres. Donc ça, c'est l'iradat al-shar'iyya. Il y a des gens qui vont répondre favorablement à cela et pratiquer ces commandements, et d'autres qui vont ne pas pratiquer ces commandements. Ils seront donc jugés pour cela. Ils seront jugés pour cela, et cela par justice. Allah va être injuste envers personne. Allah s'est interdit la justice. L'injustice. Allah se l'est interdit. Subhanahu wa ta'ala. Allah est le juste. Et donc, toute personne qui sera punie et châtiée, cela se fera par équité et justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le chemin du bien est clarifié, le chemin du mal est clarifié à la personne de choisir. Allah, jalla wa ala, lui a donné la capacité. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veuille qu'il croit et que celui qui veuille qu'il mécroit. Mais ensuite, il y a la rétribution. Donc, il est interdit de dire que se passe dans le royaume d'Allah des choses qu'Allah Jalla wa'ala n'a pas décrété, prédestiné ou bien voulu. C'est interdit. C'est pour cela que l'auteur dit « La disposition des choses est entre ses mains et leur survenance tient de sa décision. Il a su toute chose avant son existence, laquelle se produit selon cette connaissance. Aucune parole, ni aucune action n'émane de ses créatures sans qu'il ne l'ait décidé et que sa connaissance ne l'ait précédé. Donc vous avez vu, l'auteur, avec ses paroles courtes, hein, ses quelques paroles, alors là, il réfute. Il réfute justement les négateurs du destin. Ensuite, on a un autre. Maintenant, on a la deuxième grande fraction, cette deuxième doctrine égarée concernant la prédestinée, Al-Qadr, ce sont Al-Jibriya. Ce sont Al-Jibriya. Donc Al-Jibriya, eux, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est un autre extrême. On a dit qu'Al-Qadariya, c'est les négateurs du destin. Maintenant, on a un autre extrême, ceux qui ont affirmé le destin, mais qui sont des roulettes. On fait preuve d'extrémisme. C'est-à-dire que Al-Jibriya, eux, c'est les partisans qui prétendent que l'homme est dépourvu de libre arbitre. L'homme, il ne peut pas choisir. Il est contraint d'accomplir tel ou tel acte. Vous avez vu, c'est comme une feuille. La feuille, lorsqu'elle est dans l'air, alors elle va suivre la direction du vent. Où l'emporte le vent, eh ben, elle prend cette direction. Elle est comme cette feuille. C'est-à-dire, l'homme n'a pas de libre arbitre. Ce qu'il fait, c'est qu'il en est contraint. Il en est contraint. C'est ce qu'on nomme Al-Jibriya. Wahadihi. Et cette pensée-là est fausse. Cette pensée-là est fausse et elle est grave. Et cette pensée, elle est née à la fin de l'ère de l'Empire Omeyyade. Fi akhir ahd Bani Umayya. À la fin de l'ère de l'Empire Omeyyade, ce qu'on appelle Dawla al-Umayya, est née justement cette pensée et cette doctrine de la contrainte, Al-Jibriya. Beaucoup de savants disent que le premier qui a rapporté cette innovation, cette pensée hérétique, ça serait Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan qui est à la tête de nombreux mâles. Donc chaque communauté ont connu un Judas, comme on dit, hein. ont connu, une personne qui est venue pour détourner les gens du vrai message et de la vraie croyance. Jahm ibn Safwan a rapporté de nombreuses hérésies. Entre autres, on avait déjà parlé dans sa négation du destin. Et aussi, il est, selon beaucoup de savants, celui qui a rapporté cette pensée. Que l'individu est contraint, quoi qu'il fasse. Et de ce fait, il ressemble, comme on a dit par rapport aux Qadariyah, les négateurs du destin, eux ressemblent aux Majous. Et eux, Al-Jibriya, eux, ressemblent à une autre catégorie de gens. Vous savez qui ? Ils ont hérité ça, on va dire, d'une autre catégorie de gens, cette pensée-là. Cette mauvaise conviction et pensée envers le Qadr. Les polythéistes ? Les polythéistes arabes ? Regardez, dans le Coran, il y a de nombreux versets, les polythéistes arabes, alors que le prophète, sallam, les appelait à l'adoration d'Allah, et au délaissement du polythéisme, de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'ils disaient? Comment ils argumentaient? Quel était leur prétexte? Regardez dans un verset, par exemple, ils disaient: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. Regardez, ils disaient: si Allah l'avait voulu, on n'aurait pas donné d'associés commis l'idolâtrie. وَلَا آبَاؤُنَا. Et même nos parents, nos ancêtres, ils n'auraient pas fait de shirk. Le prophète, sallam, les appelle. يدعوهم إلى عبادة الله. Il les appelle à l'adoration d'Allah, au monothéisme pur, à l'adoration d'un seul Seigneur, alors que eux, ils étaient dans l'adoration de différentes divinités, donc c'était des idolâtres et des polythéistes, et eux, ils prétextaient en disant: لو شاء الله ما شركنا. Si Allah l'aurait voulu, on n'aurait pas fait de shirk. ولا آباؤنا. Ils disaient: même nos ancêtres, ils n'auraient pas fait de shirk. Cette pensée-là, cet égarement-là, cette fausse argumentation qu'avaient les polythéistes arabes à l'époque, on voit que c'est comme si elle était reprise par cette pensée-là de Al-Jibriya. La même thèse. Regardez, le fait qu'ils disent que l'individu, quoi qu'il fasse, il est contraint. Et eux, par exemple, ils vont pas faire la distinction entre les œuvres, par exemple, les œuvres dont on a le choix, C'est-à-dire l'individu, il y a des œuvres qui proviennent de lui, dont il a le choix. C'est lui qui a choisi de faire tel et tel acte, et il y a des actes qui proviennent de lui, mais ce n'est pas de sa volonté. Ce n'est pas de sa volonté. Et ça, il faut faire la distinction, par exemple. Lorsque quelqu'un tremble, lorsque ça tremble, c'est indépendant de notre volonté. Le corps tremble, n'a pas envie de trembler, mais son cœur tremble. C'est indépendant de sa volonté. La mort, c'est indépendant de sa volonté. Il tombe malade, c'est indépendant de sa volonté. Taïb. Donc ça, c'est des choses d'âme qui sont indépendantes de sa volonté. On va dire c'est des choses dont il subit. Lakin, mais il est décrit par ces choses. Ça lui est attribué à l'homme. On dit par exemple, cet homme-là est décrit comme étant tremblant, mourant, malade. Il est décrit par ces choses. Mais, par contre, il a des actions qu'il fait avec choix. C'est-à-dire qu'il a choisi de faire. Le fait de prendre quelque chose, il a choisi de le faire. Le fait de toucher quelque chose, le fait de marcher, le fait de vouloir courir. Donc il a voulu faire ça et il l'a fait. Il n'a pas été contraint. Il a choisi de faire ces choses-là. Vous comprenez ? Donc, il y a une nuance entre les deux. C'est pour cela que Al-Jibriya, eux, eh ben, ont pensé que le serviteur, donc le serviteur, il est contraint, c'est-à-dire il renie pour ce serviteur tout choix, toute volonté, et donc ils ont mis sur le même pied les mouvements faits par choix et ceux réalisés sans choix. Et je vous ai donné les exemples dans ce qui a précédé. Ils prétendent que leurs mouvements sont du même ordre que ceux des feuilles emportées par le vent, comme on a dit précédemment. Et ça aussi, c'est une doctrine qui est fausse. C'est pour ça qu'elle est même rapportée ensuite, plus tard, cette pensée-là, elle sera reprise par des gens, malheureusement, qui n'avaient pas de savoir et de connaissances. Ça va être repris par certains ascètes, certains, à l'époque de la première génération, certains musulmans qui étaient dévots dans l'adoration d'Allah, mais qui n'avaient pas beaucoup de savoir, ils ont sombré dans ces idées. C'est pour cela qu'ensuite, c'était repris par des groupes soufis. En soufia, on sait ces croyances-là. En soufia, on sait ces croyances-là. Et ولهذا قيل وتقلده كثير من العباد والزهاد والمتصوفة هذا الفريق أشبه المشركين. Et ça a été repris. Regardez, par exemple, il y a des histoires qui sont relatées de certaines confrères soufis. Ils disaient, un jour, il y a des conquérants qui sont entrés dans une contrée. Des conquérants, ils sont entrés dans une contrée en tant que dominateurs, conquérants, et ils voulaient du mal à cette contrée. Donc, prendre leurs biens, s'accaparer de leurs biens. Et de là, dans cette contrée-là, dans cette province-là, il y avait des chefs religieux. Écoutez bien, cette pensée amène vers où ? Dans cette contrée-là, il y avait des chefs religieux, qui pour eux, ces chefs religieux, c'était les modèles de la société, de cette contrée-là. C'était des modèles, des exemples. Lorsque sont rentrés ces conquérants, qui sont venus s'accaparer de leurs biens, leur prendre leurs biens, leur prendre tout ce qu'ils possédaient injustement, alors ils sont rentrés. Et là, les dignitaires, les chefs religieux, qui étaient à l'époque des chefs religieux soufis, ils sont sortis à l'extrémité de la ville et ils ont accueilli les conquérants. Ils les ont accueillis, ils sont rentrés avec leurs montures et ils tenaient les laisses de ces montures, les brides là, et ils tiraient. Donc ils se sont rabaissés, non seulement à accepter l'entrée de ces conquérants, qui venaient s'accaparer de leurs biens, injustement. Donc ils viennent, ils les font rentrer, et ensuite, en même temps, ils se soumettent à eux. Ils se soumettent à eux. Là, les gens du village n'ont pas compris. Ashhada. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les dignitaires, c'est les chefs religieux. C'est eux qui sont une sorte d'exemple. de cette société, de cette contrée-là, et eux, ils permettent aux conquérants de rentrer. Ils nous montrent pas le bon exemple de, eh ben, d'essayer de défendre leur terre, leur demeure et leurs biens, ce qui est la réaction de tout être humain normal. Et eux, au lieu de, ben, d'appeler les gens à défendre leur terre, leurs biens, ce qu'ils possèdent, leur famille, eh ben, ils vont à l'extrémité de la contrée de la ville et ils acceptent l'entrée de ces conquérants et les aident en plus à rentrer. Lorsque les gens ensuite s'adressent à eux, aux dignitaires, « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Ils leur disent, s'ils sont venus jusque-là, et s'ils sont là, c'est par Qadarullah, c'est le Qadar. C'est le destin. Allah l'a prédestiné. Et nous, on se soumet au destin d'Allah. On se soumet à la prédestinée d'Allah. C'est pas comme ça la croyance au destin. C'est pas ça la croyance au destin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les polythéistes, ils sont venus de Mecca, et sont se réunis avec d'autres polythéistes, d'autres clans et d'autres tribus arabes. Et ils sont venus à Médine. Ils sont venus à Médine alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était à Médine avec ses compagnons pour encercler Médine et exterminer tous les musulmans. Et ils ont dit, de ce fait, on mettra fin à cette religion, à ce prophète et à tous ces musulmans. Ils sont venus à Médine pour exterminer tous les musulmans. Qu'est-ce que le prophète en Saba a fait? Les causes. Il s'est concerté avec ses compagnons. Et de là, il y a eu l'idée de Salman al-Farisi de creuser des tranchées. Le prophète a creusé des tranchées. Et de là, ils ont creusé des tranchées et ils ont résisté. Ils ont résisté par ce fait aux polythéistes arabes qui voulaient leur fin. Et de là, les croyants ont pu préserver leur demeure, leur famille, leurs enfants, leurs épouses. Les conquérants rentrent et ils les aident à rentrer. C'est le destin d'Allah. On se soumet à son destin. Vous avez vu? Parce que pour eux, ils avaient la croyance qu'ils sont contraints, quoi qu'il arrive. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite pour terminer notre sujet, donc c'est le ensuite pour clôturer la question du qadar. Donc on avait dit cette croyance de Jibriya, donc beaucoup de savants considèrent qu'elle a été rapportée et ça a été innové par Jahm ibn Safwan, et on avait parlé déjà dans des cours précédents de Jahm ibn Safwan, et certains disent que Aussi, on relatera, peut-être dans des cours prochains, le célèbre débat aussi qu'il a eu Jahm ibn Safwan, avec des philosophes hindous qui ne croyaient que aux cinq sens. Et c'est comme ça que certains savants disent qu'il en a abouti aussi à ces hérésies, comme par exemple le fait de nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a débattu justement avec des philosophes hindous qui étaient surnommés As-Sumanayya. Les philosophes hindous, As-Sumanayya, il y a eu un célèbre débat entre lui et eux ne croyaient qu'aux cinq sens. C'est-à-dire, ce que pouvaient percevoir leurs cinq sens, alors ils y croyaient. Les cinq sens comme le fait d'entendre, le fait de voir, le fait de pouvoir toucher, le fait de pouvoir goûter, sentir. Ça, pour eux, c'est les cinq sens. Donc, ils ont débattu avec lui, et lui, comme il était dépourvu de science du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sans salam, Farouliba, et il rapportait même que Fataraka Salah, 40 jours, qu'il leur a délaissé la prière, 40 jours. Pendant 40 jours, il a réfléchi. Il était perturbé. Et ensuite, il est revenu justement avec cette croyance, la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été éduqué sur la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. C'est pour cela, ahamiyat al-ilm. Vous avez compris l'importance de la science. Donc, pour terminer, ceux qui veulent vraiment s'enrichir dans ça, vraiment comprendre la question du qadar, il y a un beau livre qui a été écrit par Ibn Qayyim, Shifa al-Ghalil. Un livre qui s'appelle Shifa al-Ghalil d'Ibn Qayyim. Et dans Shifa al-Ghalil, Ibn Qayyim va bien traiter la question sur ça. Et sachez donc que tout était prédestiné, tout est consigné, fi lawh al-mahfouz. Tout était consigné. Même, regardez, lorsqu'il est dit que le prophète, s'enseigne dans des récits, a dit que celui qui veut que son âge soit allongé, et aussi qu'il ait la subsistance augmentée, alors qu'il tienne son lien de parenté, et qu'il soit bon aussi dans une version envers ses parents. Et le lien de parenté, c'est une cause pour l'allongement de la vie, de l'âge, et pour l'augmentation de la subsistance. Et bien, même cela, les savants disent que ça a été écrit, c'est écrit et consigné fi lawh al-mahfoud. Fi lawh al-mahfoud. C'est-à-dire que cela signifie qu'Allah repousse le mal du serviteur, ce qui a été décrété par une cause qu'il a accomplie, à savoir l'invocation. Avec une invocation, ça peut être la cause que notre âge, notre vie soit allongée. Notre vie soit allongée. Et elle-même, cette invocation, elle a été prédestinée. Allah savait, subhanahu wa ta'ala, que tu allais invoquer en demandant cette chose, ou que tu allais être bon envers tes parents, et tu allais tenir le lien de parenté, et que ça allait être une cause pour l'allongement de ton âge et l'augmentation de ta subsistance. Et bien même tout cela est noté fi lawh al-mahfouz. Tout cela était bien consigné dans la table bien gardée. Et c'est pour cela que Allah a prédestiné, écoutez bien, pour lui, qu'il vivrait plus longtemps, et a prédestiné que cet allongement serait le résultat d'une cause. Cette cause est l'invocation. Cette cause est l'invocation. Et donc, qui est la bonté et l'entretien des liens familiaux aussi. Donc il y a l'invocation, il y a aussi le fait d'être bon et l'entretien du lien familial. Les causes et leurs conséquences relèvent toutes du destin et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez ça? Taïb. Il en va de même donc pour le hadith qu'on a dit, le terme de vie de chaque personne a été prédestiné dans la tablette bien gardée. Personne ne peut l'avancer et personne ne peut le retarder. Personne ne peut avancer le délai de l'individu lorsque son terme arrive et personne ne peut le retarder. C'est comme cela. C'est pour cela que même toute personne, comme on avait illustré, on avait sous-entendu ça hier dans le cours, même toute personne, par exemple, qui a été tuée injustement, toute personne qui a été tuée, qui est morte, tuée, il suit le terme décrété. Il suit le terme décrété. Donc il est faux de penser comme ont pensé les Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, eux, ont dit qu'une personne qui est tuée, il a vu son terme interrompu. Son terme, il a été interrompu, et qu'elle aurait pu vivre encore plus longtemps. Ça, c'est la pensée d'Al-Mu'tazila. Eux, ils pensent qu'une personne qui a été tuée, son terme, il a été interrompu, alors qu'elle aurait pu vivre encore plus longtemps si seulement elle n'avait pas été tuée. Or, c'est faux. Non, car pour chaque personne, Allah a décrété un seul terme qui est le résultat de causes prédestinées. Soit la maladie, soit la noyade, soit le meurtre ou autre. C'est des causes qui ont été prédestinées. Ouais, Kada, vous comprenez ? Taïb. Donc, ensuite, il nous reste 2 minutes. On va avancer dans l'explication de Sheikh Al-Fawzan. Donc, pour la question du destin, vous avez compris maintenant, hein ? La question de la prédestination et du décret d'Allah. Ensuite, l'auteur dit وَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عَنْهُ غِنَا لَا أَحَدْ يَسْتَغْنِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. Ensuite, l'auteur va mentionner que personne ne peut se passer de son créateur, subhanahu wa ta'ala. لَا أَحَدْ يَسْتَغْنِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. Regardez, dans un verset, Allah dit يَا أَيُّهَا النَّاسِ. Ô vous les hommes, أَنْتُمُ الْفُقَرَى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. Dans un verset, Allah dit ô vous les hommes, vous êtes dans le dénuement. Vous êtes dans le dénuement. C'est-à-dire, vous êtes des indigents, des pauvres, dans le dénuement le plus total à l'égard d'Allah. Et Allah, c'est lui, Al-Ghani. Al-Ghani ou Al-Hamid. Al-Hamid, le digne de louange. كلهم فقراء إلى الله لا أحد يستغني عن الله ولو كان عنده أموال الدنيا فإنه فقير لا يستغني عن الله جل وعلا من الذي يبقي له أمواله من الذي يصح جسمه من الذي يلهمه الاكتساب وجمع الأموال هو الله جل وعلا. Regardez, lorsqu'on dit que personne ne peut se passer du créateur, qui est-ce qui a fait que cette personne a des biens dans cette vie d'ici-bas? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui a donné la santé du corps? C'est Allah jalla wa'ala qui lui a donné la santé. Allah, s'il le veut, il peut tout lui enlever. Aussi bien la richesse qu'il possède dans cette vie d'ici-bas, aussi bien les biens, aussi bien la santé, c'est Allah jalla wa'ala qui a tout donné. Est-ce qu'un individu parmi les créatures peut se passer de son Seigneur? La ahad. C'est ça le sens lorsqu'on dit la ahad yastaghni anillah. Personne ne peut se passer d'Allah. Antumul fuqara ou ilallah. Allah nous dit qu'on est des indigents, qu'on est pauvres à son égard. Fa antumul fuqara ilallah min kulli wajh. Wallahu huwa wahdahu al-ghani an khalqihi min kulli wajh. Fa huwa al-ghani al-hamid al-mahmud 'ala kulli hal. 'Ala af'alihi wa 'ala aqdarihi wa 'ala kulli umurihi subhana. كلها محمود عليها لأنه يضع الأمور في مواضعها ولو أن الله ما خلق إلا الكفر ما دخل الجنة أحد فالله خلق الجنة والنار وخلق الكفر والإيمان هذا للنار وهذا للجنة فمن سلك طريق العمل الصالح دخل الجنة ومن سلك طريق الكفر والشر دخل النار ولا يسوي الله بين هذا وهذا قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال جل وعلا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إلى آخر الكلام فسنواصل الكلام والدرس في يوم غد إن شاء الله بحول الله جل وعلا والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.